Programme. Non, je n'essayerai pas d'aller sur d'autres rives, de rencontrer ces terres dénoncées par le vent. Non, je n'essayerai pas d'en appeler à l'instant pour que des mots étranges tentent la distraction. Non, je n'essayerai pas d'élaborer des plats agrémentés d'épices qui relèveraient le monde. Je vous offre en spectacle les mots apprivoisés, ceux qui portent le parfum des aventures durables, ceux qui pourraient convaincre jusqu'à la goutte d'eau.